FrenchPod.com. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Jean-Claude Duss, naquit en l'an de grâce 1769 en Corse, dans la belle ville d'Ajaccio. Chez les Duss, de père en fils, on élève une race de cochons appelée le cochon sauvage. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Claude n'a cure de la tradition familiale. Sa passion, c'est le fromage. Cette passion sera le fil conducteur de toute sa vie. En effet, il entre en conflit très tôt avec son père, qui, ne pouvant supporter cette trahison, le répudie, alors que Jean-Claude n'a pas encore fêté ses 15 printemps. Il est alors obligé de quitter le domaine familial et se retrouve à la rue, renié de tous. Seule la foi en sa passion et la conviction qu'un destin fabuleux lui était réservé lui permettront de ne pas craquer. C'est ainsi qu'il décide, dans un premier temps, de prendre le nom de Napoléon Bonaparte, aujourd'hui connu de tous. Il conçoit alors le projet de faire le meilleur fromage corse jamais produit et de l'exporter dans le monde entier. Mais les temps sont durs et Bonaparte est sans le sou. Il doit effectuer de nombreux travaux, souvent ingrats, qui ne rapportent que très peu. Heureusement, Bonaparte est économe et parvient à mettre un peu d'argent de côté. C'est avec ses économies qu'il achètera sa première brebis, qui sera le fer de lance de son entreprise et qu'il appellera, comme tout le monde le sait, Marengo. À partir de cet animal, allait naître un empire.